Kuwa una wake hata kazi unae. Unazurura mchana kutwa e, kupita kurandaranda mitani. Kumbe ukuwa na uwezo wa kunioa ila kuniharibia maisha. Heri kuniambia ukweli ulivyo kuliko kunidanganya nikuelewe vipi. Bye.

atakaa wapi yo? Atakula wapi yo? Atalala wapi yo? Mwone uruma mwanao, ewe baba mzazi yo. Atakula wapi yo? Atalala wapi yo? Mwone uruma mwanao, ewe mama mzazi yo. travaille au plateau. Fatima, elle ne roule qu'en taximètre. Fatima, elle m'a fait tourner la tête. Fatima, à cause de sa beauté. Fatima, elle a un corps pété pété. Fatima, elle a un corps sembé sembé. Fatima, non non non non non non non non non non non non non non non Fatima. Fatima, elle s'habille comme une princesse. Fatima, à la démarche de caméléon. Fatima, elle ne boit que le bonji. Le bandit de Yamoussoukro. Fatimata. Quand elle arrive à Dakar. Fatimata. Elle n'habite qu'aux Almadies. Fatimata. Tout cela pour m'impressionner. Fatimata. Je suis tombé malade. Fatimata. Voilà moi traumatisé. Fatimata. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Fatimata. Abidjan là, tu n'as pas dit que tu mourrais. Voilà fait, tu n'as qu'à mourir maintenant. Kwa kirefu we dada, ketichini kisha unanifie. Unifahamu, Soto.